Mexico, je bouge de la caille. Crie le dernier aha, allez, 1, 2, 3, partez. Mexico, Mexico, je bouge de la caille. Crie le dernier aha, allez, 1, 2, 3, partez. Miami Vice and cocktail, elle est trop bonne d'elle. Je la branche dans le secteur, cette année c'est le bordel. Je suis plus fou que les Savastano, veste pas, je vois pas les panneaux. TND, on y tout, Tagati nous dit tu amo. Que des crapules sous pépé. Elle est tankée, bien apprêtée. Je reste pas au check tout l'été. Au guitar, je fais poussette. Tu nous aimes pas, poteau, psardette. On arrive dans le showcase, je dirais que ça part en cul-sec. Sur Mexico, oh, oh, je fais un vol pour Mexico. Ta copine nous dit Kiriko. On dit que ce clip est dans l'eau. Mexico, Mexico, je bouge de la carte. Mexico, Mexico, Mexico.